Vous écoutez Futur Simple et vous êtes sur CKRL au 89.1 et nous enchaînons sur le développement durable. Alors, on en parle un peu moins en ce moment, comme si c'était plus une nécessité, à moins que la crise économique l'ait fait passer en arrière-plan. Pourtant, économie et développement durable ne sont pas étrangers. Au sommet Rio plus 20, qui s'est tenu en juin dernier à Rio de Janeiro, il était d'ailleurs question d'économie verte. Alors, notre chroniqueur Pierre-Olivier Desmarchais, qui est spécialiste du développement durable, nous propose un retour sur ce sommet. Doit-on conclure à un échec de ce sommet? Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors d'abord, remets-nous un petit peu dans le contexte de ces sommets. Oui, en fait, c'est en juin dernier, alors c'est 185 pays qui se sont donné rendez-vous dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil, dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le développement durable. Donc, il faut le dire, ces sommets ou ces rencontres sont devenus une véritable tradition. Mm-hmm. Rappelons brièvement que la première rencontre a eu lieu en 1972 à Stockholm. C'était également au moment où l'humanité, si on peut dire, prenait conscience des problèmes environnementaux que le système économique causait. Alors, par la suite, on a eu également Rio 92, mm-hmm. qui a été un véritable le succès pour sa déclaration, également pour l'adoption des conventions cadres sur les changements climatiques, puis celle sur la diversité biologique, ainsi que la lutte contre la désertification. Et ensuite, 10 ans plus tard, ça a été Johannesburg. Et cette année, alors, dans le cadre de Rio plus 20, on revenait à Rio pour essayer de reprendre le momentum là, qu'on avait laissé 20 ans plus tôt. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies avait convenu des thèmes, donc d'une part l'économie verte dans le contexte du développement durable et d'autre part le cadre institutionnel du développement durable. Alors, cette conférence-là, en juin dernier, a débouché sur l'adoption d'une résolution qui est intitulée « L'avenir que nous voulons ». Alors, dès les premiers paragraphes, ce qui est intéressant de noter, c'est que les États réitèrent leurs engagements politiques envers la déclaration de la Conférence des Nations unies de Stockholm en 72, celle également de Rio, le plan d'action d'Agenda 21 qui avait été adopté dans le cadre de Rio, le plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg en 2002, et les engagements résultant de la déclaration du millénaire en 2000. Alors, les États ont également mis l'emphase dans cette résolution sur l'urgence de progresser plus rapidement. Oui, c'est ça. C'est pas le tout de dire qu'on est d'accord, mais à un moment donné, il faut avancer. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment dans l'optique de combler l'écart de développement entre les pays développés et les pays en développement. Ils ont reconnu que depuis 92, l'intégration des trois dimensions du développement durable a progressé de manière inégale et a subi des revers aggravés par les multiples crises financières, alimentaires et énergétiques. Bon, si on revient aux thèmes principaux du sommet. Oui, il y avait l'économie verte, je crois. Oui, exactement. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le programme des Nations unies pour l'environnement souligne qu'il s'agit d'une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain, de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Donc, sous sa forme un peu plus simple, cette économie se caractérise par un faible taux d'émission de carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et l'inclusion sociale. Ouais. Donc, dans la résolution qui a été adoptée en juin dernier, les États ont convenu que les assises politiques de cette économie verte devaient notamment être conformes au droit international, respecter la souveraineté de chaque pays sur ses ressources naturelles, contribuer à combler le fossé technologique entre les pays développés et les pays en développement, et promouvoir, bien entendu, des modes de consommation et de production durables. C'est un beau programme. Oui, exactement. Donc. Et tu parlais aussi, quelque chose qui paraît un peu plus flou, un cadre institutionnel du développement durable. Ça veut dire quoi, ça? Oui, en fait, l'idée ici, c'est de renforcer les capacités institutionnelles du développement durable. Rappelons qu'avant la tenue de la conférence en juin, plusieurs avaient proposé l'idée de créer, par exemple, un tribunal international dédié exclusivement aux litiges environnementaux. Mm-hmm. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encourager, par exemple, l'intégration équilibrée des trois dimensions du développement durable, favoriser la participation pleine et effective de tous les pays au processus de décision, donc inclure, promouvoir les échanges entre les scientifiques et les décideurs. Mm-hmm. Donc, dans la résolution, les États ont décidé de créer un forum politique intergouvernemental de haut niveau à caractère universel afin de remplacer à terme la Commission du développement durable qui avait été créée en 1993. Donc, ils ont ici décidé de lancer, si on veut, un processus de négociation pour définir le format et les modalités de fonctionnement de l'instance. Pour le pilier environnemental du développement durable, par exemple, les États ont quand même décidé de redéfinir le rôle du programme des Nations Unies sur l'environnement. En tant qu'autorité mondiale reconnue en matière d'environnement, ils ont demandé à l'Assemblée générale, d'ailleurs, d'adopter prochainement, là, au cours de l'automne, une résolution pour revaloriser l'institution en assurant son financement d'une part, et d'autre part en permettant à l'institution de piloter l'élaboration des stratégies relatives à l'environnement. Donc, il s'agit en gros d'augmenter la charge de responsabilité de l'organisme, mm-hmm. qui se limitait en fait à coordonner les activités de l'ONU en environnement et à citer les pays dans la mise en œuvre des politiques environnementales. Il y a également un fait nouveau, les États ont décidé de lancer un processus visant à établir des objectifs du développement durable susceptibles, en fait, de remplacer ceux du millénaire pour le développement adopté en 2000 à New York. Ouais. Alors, sur la forme, en fait, et là, c'était très flou hein, dans la résolution, mais bon, on a quand même certains indices de quoi ça va ressembler. Alors, sur la forme, il faut que ce soit des objectifs qui doivent être concrets, faciles à comprendre, en nombre limité, hein, et surtout susceptibles d'être appliqués dans tous les pays universels. Donc, je ne sais pas si la dernière partie, elle est là pour peut-être que les États ont pris conscience que les objectifs qu'ils avaient adoptés dans le passé... étaient durs à atteindre? Ils reconnaissent peut-être qu'ils n'ont jamais été capables de les atteindre. Mm-hmm. Alors, pour la suite des choses, ça sera peut-être plus facile là, de mettre des objectifs atteignables. Alors, pour y parvenir, la résolution prévoit la mise en place d'un groupe de travail chargé de formuler les objectifs et, bref, auprès de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, au cours de l'automne, comme je le soulignais, il y aura un groupe de travail qui rassemblera 30 personnes choisies par les États membres. Et l'objectif, en fait, ça sera vraiment de remplacer, de prévoir l'après 2015 là, qui marque la fin des objectifs du millénaire. Mais en gros, est-ce qu'on retrouve les mêmes thèmes? En fait... Parce qu'il y avait, bon, l'élimination de la pauvreté, ouais. Je crois me souvenir, je me souviens plus vraiment. C'est que dans la résolution, les États n'ont pas voulu se prononcer sur les thèmes. Mm-hmm. Hein, parce que dans les objectifs du millénaire, il y avait 8 thèmes. Ouais. Justement, la pauvreté, assurer l'éducation, promouvoir l'égalité entre les femmes, réduire la mortalité infantile. Mais dans le cas ici, là, du développement, des objectifs du développement durable, les États ne se sont pas prononcés. Mais ça veut dire quoi si on ne se prononce pas sur... Si on ne définit pas des objectifs, comment on peut les, ben, en fait, les atteindre? En fait, ce qui était prévu dans la résolution, c'était justement de mettre en œuvre au cours de l'automne le groupe de travail qui, lui, sera chargé de les établir. D'accord. Et ce sera dans le futur que nous pourrons savoir exactement quel est le contenu de ces principes-là, des objectifs. Un autre élément, les États ont également adopté un cadre décennal concernant les modes de production et de consommation durable. Alors, ce programme vise notamment à promouvoir le développement économique et social dans la limite de la capacité de la charge des écosystèmes en découplant la croissance économique et la dégradation de l'environnement, en améliorant l'efficacité, par exemple, l'utilisation des ressources et en réduisant la pollution et la production de déchets. Et alors finalement, dans le temps qui nous reste, est-ce que, d'après toi, c'était un échec au vu de, bon, ces résolutions, on a l'impression un petit peu certains piétinements, est-ce que tu as l'impression que c'est un échec ou est-ce qu'on a avancé? Ben, en fait, je ne crois pas que ça soit un échec. Je ne suis pas surpris du résultat. Je suis plutôt heureux d'apprendre, en fait, que les États réitèrent leur soutien dans ce qui a été adopté dans le passé, comme la déclaration de Rio en 92, l'agenda 21. Ça me paraît très important à l'heure actuelle parce que, bien entendu, le développement durable, comme tu le soulignais en introduction, n'est pas très populaire. Les États sont beaucoup plus concentrés à tenter de régler la crise économique, la crise financière. Alors, au moins, on ne régresse pas de ce côté-là. D'ailleurs, il y a un professeur de droit français, Michel Prieur, qui commence à publier sur cette idée de principe de non-régression. Donc, oui, exactement. Donc, ça pourrait être drôlement intéressant si les États adoptaient ce type de principe-là. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. En arrière, oui. Alors, ça serait l'idée d'avancer par en avant. Je pense également que depuis 92 a permis de mettre sur la table les instruments, tout ce qu'on a besoin en fait pour s'enligner vers le concept de la durabilité. Est-ce que ça n'en prend plus? Est-ce qu'il faut en rajouter plus sur la table? Sans doute que certains diraient que oui, mais en fait, je suis plutôt tendance à croire qu'étant donné qu'on a tout, il suffit juste d'appliquer, là, en fait. Oui, c'est ça. C'est là que ça bloque, là. Et je vois pas comment qu'on pourrait... à part l'idée, par exemple, d'un tribunal international de l'environnement, ce qui serait intéressant. Mm. Mais là, bon... en pratique, c'est une autre affaire, là, de savoir si les États vont vouloir passer devant ce tribunal-là. Je suis plus ou moins certain. En même temps, je me demande, je me questionne énormément à savoir si cette formule des sommets là, est encore la bonne. Mm. Peut-être que l'idée, ça serait de permettre à certains États de se regrouper et de proposer des solutions ensuite à toute l'échelle plus réduite. Oui, exactement, de faire passer les concepts-là, parce que j'ai l'impression qu'on se rend compte là, puis faut le dire, hein, les pays ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Ouais. Puis peut-être aussi qu'il faudrait cibler des objectifs atteignables et surtout se donner pour objectif d'atteindre les objectifs. Oui, en fait, oui. ça serait peut-être une bonne... bonne résolution. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour ce retour sur ce qui s'est passé il y a donc déjà quelques mois à Rio de Janeiro sur ce sommet Rio plus 20. Et maintenant, on passe rapidement en pause publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge avec les Belugas.